ici est une production de Bagdad Music. Truand de la galère, Paris, Montréal, Québec, Canada, Amérique du Nord, Bagdad Music, Sami Bagdad. Nous aussi on s'en bat les couilles. Ouais. Clic, clic, clignons en cours, 9-3, c'est pas mon département, c'est juste là où j'ai mes thunes. Si t'as des choses à faire, viens chez moi mon frère. La CSA, ils ne connaissent pas l'argent sale qui coule chez nous. 44 rue Poilpert, c'est où ça fait la guerre. Si t'as un trou, viens chercher mon petit Ali, mon petit vendeur. Demande un ZAF, demande les ZAF, ils fument pas de somme dans ta culotte. Moi je suis venu MC Pépite, du 9-5-130 où je centrais. N'importe qui veut me décentrer, il pose ses couilles à 40 poils verts. Si t'as des couilles, viens me chercher tout seul. Pas d'équipe, pas d'anciens derrière moi. Y'a que ça F et Morsaï qui sont là pour moi. Mais moi je m'en bats les couilles à tous ceux qui sont pas là pour ça. Papa, papa, papa, papa, papa. Clic, clic, clic, clignons en cours, clignons en cours. De Paname au Canada, c'est la même merde, la même haine. C'était 2G qui dominait, on t'emmerde, on t'emmène dans notre univers. On anime les faits divers. Si t'aimes pas, nique ta mère. HLM boy, record gauche, droite, et tu finis dans les cordes. On t'égorge, Ray. Demande à Maro et Kofal, ceux qui font des co-fast et qui amassent la maille de Clicky à Montréal. On s'en tape de ton monde idéal. On veut des thunes en pagaille. Demande à Zef et Morsaï, tu veux nous tester, mais c'est mort. Bagdad, toujours kamikaze avec une armée. Toujours calme, toujours dur comme du béton armé. À l'horizon, je vois tes armes et ton œuf chargé. Tu veux la réplique, négro, ça ne va pas tarder. Un homicide sur papier, que du meurtre dans tes baffes. Et ton crew, que des faibles défoncés à coups de claque. J'ai horreur quand s'écarte, je reste dans le sujet. Je n'ai peur que de Dieu, mais qui es-tu pour me juger? Bouge, t'es juste une pute dans le quartier. Va chier, tu ne réussiras pas à nous écarter. Jeune, moi j'ai la rage dans la peau. Fais-moi voir de quoi est-ce que tu es capable, est-ce que tu vaux. J'ai un doute dans la tête, toi et ton équipe. Je te mange au déjeuner, toi et ton équipe. On s'en fout avec qui tu roules, où tu bouges. Moi et mes arabes, toujours prêts pour un coup de poule. Tu veux nous tester, t'es mieux d'être prêt. Sois poli avec nous, car profond je te la mettrai. Loin de mon niveau, t'es à distance. Même si on a mis à l'épreuve toute ma vigilance. J'ai organisé les funérailles des rappeurs. Tu joues dur sur le net, mais t'es un acteur. Bouge, bouge. Yo, c'est la vraie clique. 1, 2, 9 mm chargé. Clic, clic, moi et ma grosse bite. Petite pute, mets-la dans ta bouche. On t'encercle avec du feu comme Rio Pelle et s'ajoute. Tu te brûles, c'est chaud ici à Bagdad. Tu fais du bruit à Montréal, on est connu dans l'Atlas. Tu jases sur moi et mes ros. Si on te met sur la balance contre moi, je suis trop gros. Trop fort pour la région métropolitaine. Et même dans ta campagne, on allume tous les fumigènes. Tu nous gênes avec ton rap pourri. Même quand je le fais écouter aux sœurs, elles ont le fou rire. Lâche le rap et prends ta retraite. Car la rue m'a dit que t'es un gros traître. T'es une petite pute dans les alentours. On va te niquer de chez moi jusqu'à Clignancourt. Bagdad Music, truand de la galère. Avec mon équipe, t'inquiète, on va te faire mal, frère. Y'a que des affaires, y'a que des commères. On va tout niquer, t'inquiète, monsieur le commissaire. Excuse-moi, je m'arrête pas, je fous le dawa. Je brûle les voitures en bas de chez toi, nique la hala. Tout le monde fume que tu sais là. Tout le monde veut être millionnaire en un an, roya. La violence est devenue un jeu dans ce monde-là. Passe le CLM à tous ceux qui portent ma marque, roya. Ok, ok, t'as tout pigé. En portant ma marque, tu les as traumatisés. Ok, ok, on est ok. Et s'il y a une pute, ok, je te la ferai tourner. Choqué, choqué, on l'a choqué. Tous les commissariats sont traumatisés. Choqué, choqué, mais elles sont à fond. Là c'est Morsaï, je représente les mauvais garçons. Ok.